Herriotsak, Bidasoaldeko herri mugimenduaren saioak egunero Antxete Irratian arratsaldeko ordubietatik hiruak arte eta gabeko zortzietatik bederatziak arte. Pausu Mediak ekoiztutako saioak. Arratsaldeon, Sarah. Arratsaldeon. Comment ça va? Bien, bien, après trois semaines d'absence. T'es revenu quand même. Voilà, oh, ben oui, bien sûr. Arratsaldeon ere gure entzule guztiei, ongi etorriak Herriotsakera, ongi etorriak gure kunkara. Donc parti pour une nouvelle édition de Gure Kunka, cette émission que fait Sarah de la CIMADE. Et de quoi on va parler aujourd'hui, Sarah? Alors on va parler des centres provisoires d'hébergement et plus particulièrement de la problématique des réfugiés politiques en France. Et tout ça pendant l'heure que dure Gure Kunka. Tout à fait. J'en profite pour rappeler à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent participer dans notre émission à travers le Facebook de Herriotsak et aussi à travers notre blog herriotsak.info où ils peuvent laisser leurs commentaires. irubebikoitza.herriotsak.info antxeteirratia.com. Et on commence donc avec le thème d'aujourd'hui, les centres provisoires d'hébergement. Oui, tout à fait. En fait, pour l'émission d'aujourd'hui, je souhaitais parler d'un autre versant de la question des migrants. Un versant beaucoup moins visible car, il faut le dire, qui intéresse quand même beaucoup moins les médias. Et c'est donc l'accueil et l'intégration des migrants en France. Alors c'est un très vaste sujet qu'on peut appréhender par divers aspects. Et on va tenter d'aborder ce thème par un angle d'approche assez particulier, qui est la présentation donc des centres provisoires d'hébergement, qu'on appelle dans notre jargon CPH. Donc il semble assez intéressant de se focaliser sur ces lieux relativement singuliers, et ce qui va nous permettre en fait de discuter de l'accueil et de l'intégration en mettant l'accent sur les personnes qu'on appelle couramment les réfugiés politiques. Donc avant de commencer, je voulais apporter une petite précision pour que ce soit bien clair dans l'esprit de tout un chacun. Donc un réfugié, c'est une personne qui a obtenu l'asile en France, c'est-à-dire que l'État français a reconnu officiellement devoir protéger une personne dont la vie est en danger dans son pays d'origine, pour de diverses raisons qui peuvent être soit son engagement politique, sa race, sa religion ou encore son appartenance à une minorité ethnique. Donc, ces réfugiés, après avoir traversé de nombreuses, on va dire, difficultés, tant humaines qu'administratives, obtiennent un titre de séjour pour pouvoir rester sur le territoire français. Donc, ils ne sont plus en situation irrégulière et ne peuvent donc plus être renvoyés dans leur pays. Suite à ça, l'État a donc mis en place un système d'accueil et d'intégration pour ces personnes, système d'accueil dont l'élément phare est le centre provisoire d'hébergement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tel lieu ? Il y en a à peu près une trentaine en France qui accueillent tant des familles que des personnes seules qui ont obtenu ce statut de réfugié. Donc, ces centres proposent déjà donc un hébergement, donc une assistance matérielle, mais également un accompagnement socio-professionnel permettant une première insertion en France au travers donc de l'accès aux droits, la scolarisation, le suivi médical, etc. Et donc, selon les régions, ces centres sont gérés par des associations d'insertion ou encore d'aide aux étrangers. Donc, en guise de support à ces propos, nous arrêterons pour cette heure sur celui géré par la CIMADE, qui se trouve en région parisienne, dans la ville de Massy, qui est une ville de l'Essonne. Donc, pourquoi celui-ci en particulier ? Bon, tout d'abord par commodité, puisque ce centre fait partie intégrante de la CIMADE, donc pour préparer l'émission, c'était quand même beaucoup plus simple, mais aussi et surtout en raison de sa particularité qui en fait un lieu chargé d'histoire. En effet, depuis le début des années 60, le centre donc international de Massy a accueilli plus de 5000 personnes, des hommes, des femmes, qui étaient étudiants, qui étaient réfugiés, venant de plus de 100 pays. Et actuellement, il y a plus de 80 réfugiés statutaires qui sont pris en charge, venant de 30 nationalités différentes. Donc, ces personnes qui sont accueillies vont mettre en place avec donc toute une équipe de travailleurs sociaux, vont mettre en place leur projet d'insertion dans la nouvelle société d'accueil qui est désormais la France, étant donné qu'ils ne peuvent plus retourner dans leur pays. Donc, installé au cœur de la ville de Massy depuis 1964, le Centre international pour réfugiés perpétue une tradition d'accueil qui est née pendant la Seconde Guerre mondiale dans les camps d'hébergement. Il est le descendant direct des centres d'accueil de la CIMADE, où pendant la guerre donc de 1939-1945, furent hébergés, cachés et souvent évacués clandestinement vers la Suisse de nombreux juifs français ou étrangers qui étaient pourchassés par les autorités collaboratrices françaises de l'époque. Donc aujourd'hui, ce centre poursuit sa mission d'accueil des combattants pour la liberté, mais aussi des opprimés par les guerres et toutes les dictatures encore si nombreuses sur notre planète. Donc, à la notion d'aide, il est préféré celle d'accompagnement. Soucieux du respect de l'identité, de la dignité de ces personnes, l'équipe du centre de Massy donc, se place à leur côté dans la construction de leur nouvelle vie et aussi dans cet exil que bien souvent elles n'ont pas choisi, mais qu'il va falloir qu'elles acceptent et dont elles se servent pour se reconstruire. Donc cette différence de terminologie accompagnement et non aide renvoie à ce qu'une attention toute particulière soit apportée pour que cet accompagnement en fait social ne soit pas empreint d'assistanat, mais se base sur une réelle volonté d'amener les personnes vers leur autonomie. L'accompagnement proposé est réalisé par une équipe de travailleurs sociaux, donc, qui ont pour fonction de guider les réfugiés dans l'ensemble de leurs démarches, qu'elles soient administratives, professionnelles ou autres. Un autre aspect important dans la reconstruction de ces personnes est la valorisation de l'histoire des résidents, pour ceux qui le souhaitent, en leur donnant les moyens de parler de leur combat et de pouvoir le poursuivre ici, puisque bien souvent ce sont des personnes qui appartenaient à des groupes politiques d'opposition ou des journalistes engagés, qui, bien qu'ayant quitté physiquement leur pays, continue à soutenir l'action des opposants sur place. Et ceci passe notamment par l'organisation par les résidents eux-mêmes de conférences-débats sur la situation sociale et politique du pays qu'ils ont quitté. Donc, pendant la durée du séjour, comme je viens de le dire, la personne accueillie est accompagnée par un référent dans toutes ses démarches, donc professionnelles, mais également de santé, ses démarches de regroupement familial, car il arrive souvent donc que la personne quitte le pays en laissant sa famille sur place. Et une fois que la personne a obtenu le statut de réfugié, un deuxième combat va apparaître, et ça on y reviendra tout à l'heure au cours de l'émission, un nouveau combat sur le regroupement familial, c'est-à-dire afin que la personne puisse faire revenir en France légalement sa famille. Et le dernier aspect de cet accompagnement social, c'est bien évidemment le logement, l'accès au logement de ces personnes. Un accompagnement également psychologique, puisque ces réfugiés ont bien souvent subi de très gros traumatismes psychologiques. Donc il y a un psychologue spécialisé en interculturalité qui est présent au centre. Et je dirais enfin et surtout l'accès à des formations qui permettent l'élaboration de ce projet professionnel qui va être quand même au centre de son intégration dans la société française, alors qui passe par des cours qui peuvent sembler très basiques, mais des cours de français, également des cours en matière scientifique comme de la physique ou des maths, et enfin et surtout des cours d'informatique vu que maintenant on vit quand même dans une société où l'informatique a une place des plus importantes. Donc voilà pour ce qui est de la présentation générale et très rapide des CPH et du CPH de Massy en particulier. Donc après la pause musicale, nous nous plongerons dans le quotidien du centre, accompagné par un des travailleurs sociaux du centre, donc Eve, qui nous conduira plus en avant dans sa découverte. Et si tu me le permets, Sarah, je vais faire une petite traduction avant d'appeler Eve. Bien sûr, bien sûr. Oh yeah. 1976, année du dragon. Ayo, devine qui débarque à Roubaix pour de bon. Bibi le b-boy, un soir de pleine lune. La cigogne me parachute sans bagage, sans avis. Beraz, gaurkoan, CPH-en inguruan hitz egin behar dugu. CPH edo Centre Provisoire d'Hébergement, eta euskeraz behin-behineko harrera zentroak, refusiatu politikoen harrera egiteko etxeak dira. Behin pertsona bat errefusiatu politiko bezala errekonozitua denean, CPH hauek, pertsona hauek, gizarteratzea dute helburu. Eta dituzten eskubideak ziurtatzea, hezkuntza, osasuna eta beste batzuk ere. Aldi berean, nolabaiteko laguntza profesionala eta psikologikoa ematen zaie bertan daudenei. Marvel Comics renaissait toujours de leurs cendres comme le Phénix. Gaurkoan Zimadek gestionatzen duen eta Pariseko erregioan Mazin hain zuzen dagoen zentro hoietako batera joango gera. 60garren hamarkadan hasi zen funtzionatzen eta dezenaka herrialdeetako pertsonak egon dira bertan. Zimaden ibilbidean nolabaiteko jarraipena egiten du elkarte honek Bigarren Mundu Gerraren testu inguruan ieslariak laguntzen zituelako. Aldi berean eta kontutan hartuta errefuxiatu hauetako askok konpromesu politikoengatik ies egin dutela, zentro honetan jarduera politikoaren jarraipenaren aldeko ekintzak antolatzen dituzte, adibidez, hitzaldiak edo tailerrak. Mamos te ple, mi moi bon vieux pas parler. Eta besti hau amaitzen den bitartean, bagu bertara jungo gera, Maziko zentro honetara, bertan Ebekin deitu behar, itzein behar dugulako. Un jour le hip-hop débarque sur notre planète. Aroub et tous les membres de mon âge sont tombés sur la tête. Breakdance Thomas, moi je dansais comme un robot. Grande gueule, petit bras, j'ai plutôt choisi le micro. Raconter des histoires, c'est tout ce que je savais faire. Sur le devant de la scène, je kiffais à me la jouer gangster. Mon stylo big, mon revolver. Mon micro aux armes, un lance-missile nucléaire. Saltimbanque, c'est devenu mon métier. J'en profite, conscient qu'ici-bas on ne fait tout ce que passer. Je raconte ce que je vois, je vis ce que je raconte. Témoin d'une époque pas banale où seuls les résultats comptent. Je suis un chanteur, un comédien comme le daron. Tout finit comme ça a commencé, l'histoire a du bon. Et quand ma tchotte vient me voir en concert, ça me rappelle quand j'étais minot au marché avec mon père. Rien n'a changé, depuis le jour où j'ai su parler. Maman s'il te plaît, mais moi un bon vieux pas parler. Rien n'a changé, depuis l'époque de la One Nation. Peace, unity, love and having fun. irubebikoitza@herriotsak.info. Donc de l'autre côté du téléphone, nous avons déjà Eve. Bonjour. Bonjour Eve. Bonjour, vous m'entendez? On t'entend très bien, merci. C'est parfait. Salut. Salut. Rebonjour. Voilà, donc tout à l'heure, déjà merci de nous accueillir au centre donc, de Massy. Eh bien, ça fait plaisir. On est loin géographiquement, mais grâce à la technique, on va passer une trentaine de minutes ensemble. Ok. Donc, centre d'hébergement où tu travailles depuis un an, si je... Oui, à peu près, oui. À peu près un an. Donc, après un parcours un peu particulier au sein de la CIMAD, parcours dont nous reviendrons à la fin de l'entretien. Donc je pense qu'on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Est-ce que tu peux nous présenter un peu la spécificité de Massy et ce qui en fait un lieu relativement singulier en comparaison avec d'autres centres d'hébergement? Voilà, alors il y a plusieurs types de centres d'hébergement en France. Hein. Il y a des centres provisoires d'hébergement, il y a tout un type de typologie justement. Donc nous, on est un centre provisoire d'hébergement et la plupart des centres d'hébergement dépendent d'un dispositif national qui est géré par l'État, hein, par le ministère de l'Intérieur et de l'Immigration, puisqu'ils ont fusionné, si on peut dire. Donc c'est vrai qu'ils ont tous la spécificité d'accueillir beaucoup d'étrangers et de dépendre quand même d'un ministre qui a été condamné pour racisme, donc c'est un peu particulier. Notre spécificité, du coup, c'est que nous, on refuse d'entrer dans ce dispositif. Pour tout un tas de raisons, et notamment parce qu'on veut garder une indépendance politique et une indépendance d'action, et que notamment on veut pouvoir respecter des valeurs qui sont les nôtres à la CIMAD, en particulier par exemple l'unité familiale, mais on veut aussi avoir un libre arbitre sur les décisions d'admission. En fait, on veut pas dépendre de l'État pour décider d'admettre telle ou telle personne, telle ou telle famille, parce que c'est vrai que voilà, nous on a des valeurs d'accueil et d'accueil inconditionnel, et donc on préfère quand même avoir le libre arbitre là-dessus, quoi. Oui. Ah, et je voulais donc ça veut dire que quand pour les centres qui sont qui sont on va dire gérés entre guillemets par l'État, c'est le ministère qui donne un peu une grille d'accueil des personnes. Exactement. C'est-à-dire que en fait, il y a c'est un dispositif national, mais du coup qui est géré aussi par les régions et par les départements. Et en l'occurrence, il y a des commissions d'admission qui regroupent l'ensemble des directeurs d'établissement ou des travailleurs sociaux qui viennent aussi à ces commissions et qui est géré par l'ADAS. enfin l'ancienne DAS qui s'appelle l'ARS maintenant. Et effectivement, donc c'est vrai que c'est une façon en fait de gérer de manière nationale un petit peu de la même manière que les demandeurs d'asile, c'est-à-dire que les demandeurs d'asile, eux, ils sont pas dans des CPH, ils sont dans des CADA, donc des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, qui sont aussi gérés par l'État au niveau national, mais ça veut dire que cette gestion nationale, elle ne prend pas en compte finalement tellement la réalité des personnes, elle prend en compte des chiffres, des gestions de flux, voilà, mais pas les personnes. Et donc c'est vrai que par exemple, un demandeur d'asile qui va faire sa demande d'entrée dans un CADA à Paris peut très bien obtenir une place à Marseille. D'accord, oui. Et que donc ça va pas spécialement aller pour lui parce que voilà, il a créé un petit réseau que voilà, déjà d'arriver c'est pas évident. Créer un petit réseau avec des amis, avec des associations qu'on connaît, c'est quand même beaucoup plus évident. Sauf que le dispositif national fait, là en l'occurrence pour les demandeurs d'asile, que s'ils refusent la place qu'on leur donne, et ben alors ils ne peuvent plus bénéficier de l'aide financière pour les demandeurs d'asile. Bien sûr. Et donc, pour les CPH, ou bien on rentre dans le dispositif, ou bien on se retrouve tout seul et sans aucune solidarité. D'accord. Et pour les CPH, c'est sensiblement la même chose en fait. Alors c'est sur le même principe en fait, mais c'est vrai que c'est un petit peu différent au sens où les CPH accueillant les réfugiés, ils ont des cartes de résident de 10 ans, donc ils sont dans une tout à fait un autre processus d'intégration, alors que les demandeurs d'asile, l'État va toujours considérer que de toute façon ils sont pas là longtemps, juste le temps que l'OFPRA leur rejette leur demande d'asile, et puis qu'après ils sortent, donc ils ont pas le droit de travailler, ils ont pas le droit, donc l'État considère qu'il peut les balader beaucoup plus facilement puisque de toute façon ils ont pas le droit de travailler, ils sont supposés connaître personne, donc on s'en fout un petit peu de où on les met, ils ont pas grand chose à dire. Pour les réfugiés c'est un tout petit peu différent. Mais c'est vrai que, de toute façon, nous, par principe, être sous la coupe du ministère de l'Immigration, c'est pas évident. Bien sûr. Et donc, concrètement, ça se passe comment ? Vous refusez voilà, d'être sous la coupe, on va dire, du ministère, mais est-ce qu'il y a une... Mais on est en relation tout de même. D'accord, voilà, on est en relation de toute façon avec le ministère, et on est en relation avec la DAS, et on participe aux commissions d'admission. Donc quand on y va, quand on a de la place, on prend des personnes, mais c'est-à-dire c'est nous qui choisissons, quoi. D'accord. C'est nous qui choisissons, parce que on estime que parfois il faut pouvoir... et puis de toute façon, on verra sans doute dans la suite de l'interview que de toute façon nous on appuie sur certaines valeurs et sur certains droits particuliers qui font que c'est de toute façon un peu compliqué pour nous parce que finalement ça correspond pas du tout avec le mode de gestion de l'État. D'accord, et justement on va en venir tout de suite. Donc je vois que vous avez fait un choix d'autonomie quelque part par rapport à l'institution. Autonomie, pour ne pas dire indépendance, c'est peut-être un peu trop fort. Et donc ce choix peut vous amener à adopter des positions particulières par rapport à l'accompagnement des résidents qui peuvent ne pas être dans le giron, on va dire, de l'État. Tout à fait, parce que nous, c'est vrai qu'à la CIMADE, on est une association d'abord de solidarité avec les personnes, là en l'occurrence avec les réfugiés. Donc il nous importe peu de savoir ce que le dispositif nous impose. La solidarité, c'est pas quelque chose d'imposé, et c'est quelque chose surtout qui prend en compte la globalité de l'accompagnement des personnes et pas simplement l'hébergement. Donc c'est vrai que les CPH font un travail d'accompagnement simple, j'allais dire, c'est très difficile hein, d'accompagner les personnes déjà dans leur intégration, dans tout leur bazar administratif. Mais nous, en l'occurrence, on aide les réfugiés aussi dans leur démarche de rapprochement familial. Et ça, on est le seul CPH à faire ça. C'est-à-dire que quand un réfugié est reconnu réfugié par l'OFPRA, il obtient la protection de la France et il devient, pour ainsi dire, sous la protection de la France dans le cadre de la Convention de Genève. Alors cette convention, elle reconnaît pas mal de droits aux réfugiés, à savoir le droit de s'intégrer, donc d'avoir des droits sociaux comme tout le monde, de chercher un travail, d'obtenir un logement, d'avoir des soins médicaux. par exemple l'acquisition de la nationalité, mais aussi celui de regrouper la famille directe, c'est-à-dire les enfants mineurs et le conjoint. Alors, nous, dans notre centre, on respecte quand même les règles du CPH. Hein. On est quand même, il y a une loi qui a été édictée en 2002 qui régit les CPH. Donc nous, on n'est pas non plus complètement dans l'anarchie absolue. Bien sûr. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, on peut accueillir les personnes pour un an maximum, c'est-à-dire qu'on a des contrats de séjour de 6 mois, renouvelables une fois. À partir de là, au bout d'un an, ils seraient supposés s'en aller. Sauf que c'est complètement péremptoire de dire, voilà, une personne qui a été persécutée, qui a subi des tortures, qui a tout un tas de difficultés déjà personnelles et puis ensuite liées à l'exil, va mettre un an pour se mettre le pied à l'étrier. C'est trop arbitraire, les gens sont différents les uns des autres et ils ont des rythmes différents. Donc nous, ce qu'on choisit quand il y a des familles à regrouper, c'est qu'on les héberge le temps que leur famille soit regroupée. D'accord. Et on fait les démarches avec eux, ce qui n'est pas le cas dans les autres CPH. Donc nous, on défend aussi leur droit à l'unité familiale. Alors évidemment, la plupart du temps, un rapprochement familial, malheureusement, ça prend même beaucoup plus de temps pour un réfugié que pour un migrant simple, on dirait, par opposition à quelqu'un qui est réfugié politique. Parce que, bah justement, les pays sont en guerre, il n'y a plus d'administration, il n'y a pas d'ordinateur, on ne peut pas authentifier les actes de naissance, les documents. Donc, on voit des rapprochements familiaux qui prennent 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans. Moi, le plus long que j'avais vu quand je travaillais dans un autre service pour les étrangers, c'était 11 ans. Ce qui est énorme quand on considère que la personne a été reconnue en danger, et donc sa famille aussi, et que donc la famille qui est à faire venir reste en danger dans un pays en guerre et qu'on met des années et des années à la faire venir, à la faire sortir de là. Bien sûr. Donc effectivement, ça c'est quelque chose, c'est une position qui est très particulière pour nous, qui demande beaucoup de travail aussi. Mais c'est vrai que voilà, on voit des violences qui sont extrêmes. Hein. Moi j'ai l'exemple d'une dame rwandaise qui en ce moment a ses enfants qui sont cachés en Ouganda parce que c'est trop dangereux au Rwanda, et que voilà, le consulat, le ministère des Affaires étrangères demande à cette dame de fournir des extraits d'actes de naissance que évidemment elle n'a pas, et que le ministère nous répond eh ben écoutez, nous tant qu'on n'a pas ces documents on peut pas délivrer des visas pour les enfants, et c'est quand même pas de notre faute si la dame en s'enfuyant n'a pas pensé à prendre ses extraits d'actes de naissance. Oui, on entend souvent ce genre de remarques. Là en l'occurrence on se dit la dame elle est complètement violentée dans son histoire et dans son parcours qu'elle subit, parce que encore une fois c'est pas une personne qui a forcément choisi de partir, elle a dû partir très très rapidement, et que finalement finalement, c'est quelque chose qu'on lui reproche. D'accord. Donc on ne reconnaît pas du tout la situation de réfugié politique des personnes. D'accord, on les prend en tant qu'individus, mais on ne prend pas la globalité de voilà, la situation et la famille. Voilà, et surtout, on gère de manière administrative et chiffrée des choses qui sont humaines, et donc forcément, ça bloque à un moment. Bien sûr. Et justement, ce choix que vous avez fait de prendre la situation dans sa globalité, comment est-ce que c'est accepté, on va dire, par les institutions ? Ben, c'est assez difficile, en fait, au sens où on est quand même dépendant de l'État, au sens où c'est lui qui nous subventionne pour les places qu'on a, c'est-à-dire que chaque personne qu'on prend, dans le cadre des dispositifs, il y a à peu près 80 résidents à Massy. Alors certains sont dans un foyer qui est à l'intérieur du centre d'hébergement, et puis d'autres sont dans des appartements éclatés, en fait, quand ils sont presque prêts, en fait, à être autonomes, on leur propose d'aller dans des appartements pour lesquels on les aide encore à gérer, mais qui est déjà une étape en plus vers l'autonomie. Mais pour autant, c'est quand même l'État qui nous donne des subventions, et que donc, ben, tu t'en doutes, ces subventions, elles deviennent de plus en plus difficiles à obtenir. C'est une forme de pression, évidemment, qui pèse sur nous, quoi. D'accord. Voilà. Bon, et comme je l'évoquais donc en guise d'introduction, Et comme on l'a rappelé, donc les CPH ont pour vocation d'accueillir des réfugiés. Donc la France leur reconnaît, non sans difficulté, une protection en raison du danger pour leur vie dans leur pays. Et le premier acte quant à cette reconnaissance, c'est la délivrance d'un titre de séjour. Oui. Donc de statut, on va dire de sans-papiers, le plus souvent, elles vont devenir résidents sur le sol français. Mm-hmm. Il ne devrait donc plus y avoir, a priori, de problème. A priori. Donc, et quand on s'intéresse un peu plus près à cette question, on s'aperçoit très vite que c'est absolument pas le cas. Est-ce que tu peux nous expliquer les nouvelles difficultés qui s'opposent? C'est ça. Donc, effectivement, la Convention de Genève, elle reconnaît le droit des personnes à s'intégrer, donc à entrer dans le droit commun. Hein, c'est-à-dire, quand je parle du droit commun, ça veut dire la CAF, ça veut dire le Pôle emploi, ça veut dire les équivalences de diplômes, parce qu'effectivement, bien souvent, la société française considère les étrangers comme arrivant sans rien sur le territoire. Alors, d'une part, pour les étrangers, de manière globale, c'est absolument faux. Pour les réfugiés, bien souvent, ils avaient un statut, c'est-à-dire, ce ne sont pas des gens qui sont venus pour des raisons économiques, pour des raisons où rien n'est possible de construire dans leur pays, mais simplement ils avaient des statuts assez élevés en fait dans la société. Certains sont médecins, journalistes, écrivains. Ils avaient un certain statut et ils avaient des diplômes et ils avaient un travail. Et donc par exemple les équivalences de toute cette expérience, de tout ce diplôme, ça fait partie aussi de ce à quoi ils doivent accéder. Et que effectivement on se rend compte que la plupart des choses sont bloquées au sens où, par exemple, pour les droits sociaux, par exemple pour obtenir le RSA, donc le minimum social, eh bien, il faut avoir un titre de séjour et non pas un récépissé. Alors les réfugiés, une fois qu'ils sont reconnus, ils ont un récépissé. Le temps qu'ils soient convoqués pour une visite médicale à l'Office français pour l'immigration et l'intégration, et en attendant cette visite médicale, ils n'ont qu'un récépissé, qui n'est pas un titre de séjour. Le problème, c'est que l'Office met parfois 8 mois, 1 an à les convoquer. D'accord. Et donc, en attendant, par exemple, ils n'ont pas de droit ouvert. Chercher un travail avec un récépissé, c'est beaucoup plus dur qu'avec une carte de 10 ans. Il y a tout un tas. Obtenir un logement, c'est impossible avec un récépissé. Donc, effectivement, leurs droits continuent d'être bloqués. Il faut savoir aussi que, par exemple, le Pôle emploi et la CAF sont liés. C'est-à-dire que quand ils sont inscrits au Pôle emploi, pour les personnes, par exemple, qui ne parlent pas français, qui n'arrivent pas bien encore à lire leur courrier, qui ont des convocations au Pôle emploi et qui peuvent parfois zapper un entretien ou quoi, eh bien, le Pôle emploi informe tout de suite la CAF. La CAF, ils sont radiés. La CAF coupe absolument toutes leurs aides. Et donc, c'est extrêmement difficile. Par ailleurs, il y a par exemple des familles qui ont été regroupées donc par un conjoint qui arrive et qui ne souhaitent pas en fait bénéficier de la protection de leur conjoint, mais qui souhaitent elles aussi demander l'asile. D'accord. Hein? Par exemple, un monsieur qui est réfugié, qui fait venir sa femme qui est donc sous la protection de l'État, mais qui dit « moi aussi j'ai une histoire de persécution et je voudrais qu'elle soit reconnue et donc je voudrais aussi demander l'asile en parallèle de l'obtention de ma protection qui est tout à fait de droit. » Et ben à ce moment-là, il faut se lancer dans une demande d'asile et on sait toutes les difficultés d'accès pour la demande d'asile. Ça m'est arrivé il y a pas quelques semaines de devoir travailler 4 mois, de faire un référé, d'être obligé d'aller au tribunal avec une famille simplement pour qu'ils aient le droit d'obtenir le formulaire sur lequel ils allaient pouvoir écrire leur histoire et demander la protection de la France. Ça veut dire que ça ne marche absolument pas. Un autre exemple, c'est la conjointe d'un monsieur qui est hébergé chez nous. Le monsieur est réfugié. La dame est donc naturellement sous la protection de l'OFPRA et de la France. Elle a souhaité, elle aussi, demander l'asile, ce qu'elle a fait. Par contre, l'OFPRA lui a adressé des réponses à un autre nom. Ils se sont trompés et donc elle s'est retrouvée dans une situation où elle était hors délai pour demander l'asile. D'accord. Tout ça fait que c'est extrêmement compliqué et pour des gens qui là en l'occurrence, c'est une dame qui vient d'un village au Congo qui ne parle pas français, prendre le temps de comprendre qu'est-ce que c'est que cette administration extrêmement lourde, qu'est-ce que c'est que cet environnement alors qu'elle sort tout juste des persécutions. C'est très très complexe et sans accompagnement, c'est pour ainsi dire impossible pour eux d'accéder à leurs droits. D'accord. Donc pour résumer, on pourrait dire que votre mission en fait est de les accompagner pour regarder vers le futur, les aider à se reconstruire dans un pays qui n'est pas le leur, avec une culture et des codes parfois très éloignés des leurs. On voit bien avec la dame congolaise que tu viens d'évoquer. Mmh. Donc, reconstruction qui passe par l'accès aux droits, mais peut-être et surtout par l'aspect humain. Et j'ai pu voir en préparant l'émission les nombreuses activités organisées par le centre, toujours dans un esprit de relation résident et CPH. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous en dire plus au travers d'une ou deux activités Oui, parce que effectivement, ce qu'il faut, c'est que nous, on les aide à aller vers la société, à la comprendre, sachant que effectivement, ils viennent d'endroits très, très, très différents les uns des autres. Mais ce qu'on cherche aussi à faire, parce que c'est vrai que la CIMADE est quand même militante à ce niveau-là, c'est d'aider la société à aller vers eux, parce que le principe d'intégration, c'est quand même un mouvement qui est à double sens. Ça ne peut absolument pas peser uniquement sur les personnes qui arrivent. Et que c'est pour ça que la notion d'accueil est très très importante. Et en l'occurrence, par exemple, on organise des conférences qui sont menées par les réfugiés eux-mêmes. À l'intérieur du centre, on a des grandes salles où on peut accueillir plusieurs dizaines, voire centaines de personnes. On organise des conférences pour que les personnes puissent témoigner, parler de leur situation à eux de réfugiés, mais à la limite, ça les intéresse pas trop. Ce qui les intéresse surtout, c'est de parler de la situation de leur pays et de dire, nous, notre première volonté, c'est de rentrer chez nous, et à la limite, c'est même de ne pas quitter chez nous. Mais on a été forcés par des violences, par de la guerre, par des persécutions, et donc on voudrait vous expliquer ça, parce que vous, en Europe, vous ne comprenez pas ce que c'est, vous vivez dans la démocratie, vous ne comprenez pas ce que c'est... par exemple, on a organisé une conférence sur le Kivu, donc avec un réfugié qui était journaliste dans le sud du Kivu, et qui disait, mais vous comprenez, moi je peux même pas faire mon travail de journaliste là où je suis dans le Kivu, parce que on n'a même pas d'électricité, donc je peux pas envoyer mes articles. Et si je voulais aller les amener moi-même à Kinshasa, on n'a pas de route. Donc on ne peut pas y aller. On travaille avec des familles qui ont un t-shirt par famille, et donc autrement ils sont nus parce qu'ils n'ont pas d'argent, et donc le papa prend le t-shirt le matin pour aller faire le champ, ensuite il rentre chez lui, il donne le t-shirt à sa femme qui va aller chercher de l'eau, ensuite elle rentre, elle donne le t-shirt à un des enfants qui va aller à l'école, ensuite il rentre, il donne le t-shirt à un frère qui va aller à une autre partie d'école. C'est des choses que nous on n'arrive pas à se représenter en fait ici en France. Et donc ils ont besoin de témoigner, et comme souvent ils ont été engagés dans leur pays pour obtenir la liberté et la démocratie, ils ont aussi besoin de pouvoir dire ici tout ce qu'ils n'ont pas réussi à dire là-bas, parce qu'on les a empêchés et parce que la liberté d'expression n'existe pas. Donc ça, en l'occurrence, par exemple, c'est une des actions qu'on fait. On a fait une conférence sur le sud Kivu, on en a fait une sur Cuba, on voudrait en organiser une sur le Tibet. Et quel impact vous avez au niveau de la ville de Massy? Est-ce que lorsque vous avez organisé ce genre de conférence, les habitants de la commune viennent, et puis les gens de la région parisienne en général viennent. On est très proche de la mairie de Massy et du service international de la mairie de Massy, donc ils font aussi un peu de publicité. La mairie ne manque pas de venir à ces conférences. Et alors, ce qui est plus étonnant, c'est que souvent dans ces conférences, on voit des officiers de protection de l'OFPRA ou des juges assesseurs de la Cour nationale du droit d'asile qui viennent s'informer sur la réalité du pays. Parce que eux, c'est eux qui décident de qui obtient le statut de réfugié ou pas, et qu'ils se basent sur des rapports d'Amnesty, sur des rapports de la communauté internationale, mais en réalité, ils ne connaissent pas du tout le concret du pays. Et donc là, pour la conférence sur le Kivu, il y avait des juges assesseurs de la CNDA qui sont effectivement venus s'informer sur le fait que vous confirmez que des personnes peuvent recevoir des menaces par SMS, que ça se pratique au Congo, vous confirmez que si, que ça. Et donc il y a une influence effectivement qui est assez forte. Dites-donc, c'est un beau cadeau quelque part que les institutions responsables de reconnaître le statut de réfugié viennent piocher les informations au cœur même de là où résident les réfugiés. C'est quand même un beau un beau cadeau. Ben, c'est très beau. Après, c'est vrai que c'est certains officiers de protection et certains juges assesseurs qui le font. Mais c'est vrai que voilà, là, dernièrement, on a eu un monsieur qui est journaliste, qui était journaliste en Conakry, et à qui, par exemple, l'OFPRA a demandé s'il pouvait former carrément venir à l'OFPRA former les officiers de protection à la réalité politique qui a lieu à Conakry en ce moment. D'accord, bah très bien. Et justement, ça va me permettre de faire le lien avec le prochain sujet que je voulais qu'on aborde. Donc, on a beaucoup parlé des résidents qui étaient donc réfugiés politiques au sens des combattants pour les droits de l'homme, mais il y a aussi et surtout les autres, et tous les autres, qui fuient leur pays en raison de leur religion, de leur race. Et ils ont aussi une place à part entière au Exactement, centre. Exactement, parce qu'ils sont... Alors, ils vont toujours être reconnus comme réfugiés politiques, ils ont le statut de réfugiés. Mais c'est vrai que certaines personnes ont tendance à faire la différence entre les combattants pour la liberté, les gens qui sont engagés, qui ont été persécutés pour ça, et puis les gens qui ont simplement subi des persécutions politiques sans avoir rien fait, parce que... voilà, alors c'est vrai que... nous on accueille des Kurdes d'Irak, des Tamouls du Sri Lanka, des Tibétains, des Palestiniens, des Afghans. Certains effectivement sont journalistes ou écrivains ou artistes. Et ils ont choisi un engagement et ils ont subi la torture pour ces raisons-là. Mais d'autres, par exemple, beaucoup d'Afghans sont simplement des villageois qui ont été pourchassés, pas pour leur engagement choisi et assumé, mais pour leur appartenance effectivement à une ethnie, à une religion, pour des soupçons incompréhensibles, des États qui pètent un peu les plombs. Un exemple, cette dame rwandaise dont je vous parlais un peu plus haut, là, elle a été, c'est pas du tout à cause du génocide qu'elle est réfugiée, c'est parce que suite au génocide, le Rwanda a mis en place une politique de tribunaux populaires, et elle a été désignée jury dans ces tribunaux, et ses décisions, les positions qu'elle a prises dans ces tribunaux populaires de village n'ont pas plu. Et donc, elle a été complètement persécutée à cause de ça. Mais a priori, elle n'avait rien demandé à personne. Elle était tranquillement chez elle. C'est vrai que certains savent ni lire ni écrire, pas même dans leur propre langue. On a l'exemple d'un petit gars afghan qui est passé d'ailleurs par un centre de rétention, qui a été enfermé avant d'obtenir le statut. Enfin, il a obtenu le statut au centre de rétention. Et ce petit gars-là, il connaît rien de l'existence à part essayer de pas mourir d'ici la fin de la journée. Il n'a jamais été à l'école, il n'a pas eu d'éducation, le peu de famille qu'il avait a été assassiné, il n'a pas de compréhension du monde qui l'entoure. Et ces personnes-là doivent être défendues exactement au même titre que les gens qui ont choisi de s'engager pour des combats démocratiques. Et on doit surtout leur donner, d'une part, les moyens de témoigner et aussi de comprendre ce à quoi ils accèdent quand ils arrivent en France. Parce que il faut imaginer ce petit gars afghan qui essaie juste de survivre un jour après l'autre et qui se retrouve après un périple complètement incroyable entre l'Afghanistan et la France, qui se retrouve dans un supermarché Cora de 2000 mètres carrés. Qu'est-ce qu'il peut comprendre de la société de consommation, comment cette société de consommation qui jouxte les ruines de Kaboul et comment est-ce qu'il peut engranger tout ça dans son esprit et construire quelque chose avec ça. C'est très violent pour eux, quoi. Et une petite parenthèse, j'imagine que votre travail n'est peut-être pas le même, du coup, entre les personnes, ces personnes, enfin ces combattants pour les droits de l'homme et comme tu dis le petit Afghan qui découvre les 2000 mètres carrés du supermarché Cora. Le travail d'accompagnement est pas du tout le même, parce que nous, ce qu'il faut, c'est aussi qu'on leur fasse bien comprendre que toutes ces personnes qui étaient combattantes pour la liberté, qui avaient un statut très fort, qui étaient souvent très connues dans leur pays, il faut leur expliquer que ici ils n'ont pas ce statut-là, qu'ils sont pas connus, qu'ils vont aller pointer au Pôle emploi, fois qu'ils vont dépendre de la CAF, le temps de d'obtenir des équivalences et de reconstruire un peu quelque chose, c'est très très dur pour eux et souvent ils ont beaucoup de résistance parce que ça leur rappelle tout ce qu'ils ont perdu. Alors que effectivement, c'est vrai que des gens qui sont plus simples et qui n'avaient rien au départ de toute façon, à part leur vie à essayer de sauvegarder, eux, c'est plus un pétage de plomb de à quoi j'accède, c'est génial, ici tout est parfait, on a tout ce qu'on veut quand on veut. Et puis ils ont besoin de réaliser au fur et à mesure que finalement ça a l'air comme ça d'une société hyper brillante où on a tous à peu près tout ce dont on rêve, mais en réalité non. Et donc c'est vrai que le travail d'accompagnement n'est pas le même. Après, en dehors de ça, c'est vrai que la plupart de ces personnes ont été torturées et que donc on a aussi beaucoup de travail à faire sur un accompagnement parfois ethno-psychiatrique. On travaille avec le centre Primo Levi, le centre Minkowska, parce que parfois ils ont des possibilités d'intégration, mais ils n'arrivent pas à rentrer dedans parce qu'ils sont coincés dans leur cauchemar ou parce que bien souvent ils se sentent coupables d'avoir fui et d'être pas resté pour combattre et d'avoir laissé leur famille et d'avoir laissé leurs amis qui sont morts. Et donc souvent, ils n'arrivent pas à sortir de ça. Donc c'est un travail d'accompagnement qui est très très profond en fait. Très bien. Et donc pour terminer, puisque finalement ça passe très très vite, ouais, le temps, pour terminer ce tour d'horizon, je souhaitais un peu aborder un aspect plus personnel de ton travail au travers de ton parcours antérieur à la CIMAD. Donc tu as travaillé 2 ans au centre de rétention administrative de Palaiseau avant d'intégrer l'équipe de Massy. Ouais. Donc tu es donc passé d'un environnement rétentionnaire marqué par la destruction des personnes qui du jour au lendemain vont être arrêtées, enfermées pour être renvoyées dans leur pays. Passer donc de cet environnement-là à un environnement d'accueil qui est marqué par la reconstruction, la vision de l'avenir, le fait d'avoir le temps de reconstruire des choses. Et comment est-ce que tu as vécu un peu ce changement dans ton travail de tous les jours ? Ben, c'est vrai que la temporalité, c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'en rétention, on a à peu près 10 minutes par personne et on est sous une pression énorme en matière de travail social. On a un temps qui est complètement différent, qui redevient humain. Et c'est vrai que c'est assez difficile de se réadapter à cette temporalité-là et de redevenir humain quoi. Mais en réalité, comme tu disais, un centre de rétention, c'est un territoire policier qui est extrêmement violent et qui est encadré par des armes, des caméras, des murs, des barbelés, des menottes et surtout qui est marqué par le non-choix des personnes qui sont forcées, qui sont surveillées, qui sont punies, contrôlées et on pourrait croire que la différence avec un CPH surtout de la CIMAD, elle est énorme cette différence. Parce que un CPH de la CIMAD, c'est un territoire de fraternité, d'accueil, même si évidemment il y a un règlement comme dans tous les lieux collectifs. Mais avec tous ces abus de droits et toutes ces violences qu'il y a autour de l'immigration en général, finalement, c'est pas tellement différent. On passe aussi beaucoup de temps dans les tribunaux, on passe beaucoup de temps à défendre les gens auprès des administrations. Il y a beaucoup de jugements. Alors, au milieu de ça, la CIMAD, on essaye d'être solidaire des personnes qu'on accueille et parce que nos luttes sont communes et c'est ça qui change. Mais c'est vrai que l'agression extérieure, elle est la même, que les droits des réfugiés ne sont absolument pas respectés, que leur situation est très difficile à comprendre et qu'en fait, aux yeux de la société, ils viennent simplement grossir les rangs de ce que le gouvernement appelle l'immigration, quoi, les immigrés, cette espèce de groupe d'envahisseurs qui arrivent. Et à l'intérieur de ce mot-là, ils n'ont pas de place, eux, pour leur voix personnelle et humaine, pour les voix particulières, parce que, il s'agit encore de chiffres, de jugements et de peur, alors qu'effectivement, tout être humain qui est en danger va chercher la sécurité, ça c'est normal. Tout être humain qui n'a pas suffisamment à manger va chercher un endroit où il aura plus à manger. À la limite, on est presque plus proche des animaux qu'autre chose sur ce degré-là. Et que, étant de telle ou telle nationalité, on ne peut pas faire une différence entre les êtres humains. Là-dessus, on a tous besoin de paix et de pouvoir manger, de pouvoir dormir, de pouvoir respirer un peu. Mais c'est vrai que au fur et à mesure, moi, je retrouve un rythme un peu naturel. Mais quand même, malheureusement, on est obligé de dire que la France a beaucoup de mal à se rappeler des combats qu'elle a menés et surtout à se rappeler de l'histoire. Et je pense qu'à Hendaye, elle est très très présente aussi, cette histoire. Voilà, des gens qui doivent fuir, qui doivent se mettre en sécurité et pour lesquels on ne peut rien faire d'autre de plus humain et de plus intelligent que de les accueillir. Et surtout que de se nourrir de leur richesse et de tout ce qu'ils apportent, quoi. Donc, si on, pour conclure, on peut dire que ton lieu de travail a changé, mais la lutte reste toujours la même. La lutte continue. Voilà. Exactement. Bon, et bien, écoute, je te remercie beaucoup pour ton intervention et d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Ben, merci d'avoir écouté le témoignage et puis bonjour à Hendaye. Et bonjour à Massy. Ouais, je passe le bonjour. À bientôt, Eve. Salut. Au revoir. Teirratia.com irubebikoitza@riotsak.info Zinema ziklo kulturan hitza. La Kasita gaztetxean, ostegunero 7:30etatik aurrera, adiskidetuak guztion artean, AEKA, ZIMAD, Bilgune Feminista eta Antxeta Irratiak, hainbat pelikula eskainiko dizkigute kulturen arteko erlazioa eta elkarlana bultzatzeko. Ostegunero 7:30etatik aurrera, zinema kulturan hitza La Kasita gaztetxean. La Kasita gaztetxea interneten. Berriak, agenda, kanpainen inguruko informazioa. Eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa. irubebikoitza@lakasita.org Passé ma vie sur les routes, nomade tel un vagabond. Passé ma vie goutte après goutte, goûter tout ce qu'il y a de bon. Passé ma vie à raconter des histoires, chanter des chansons. Fuir ce monde qui est illusoire, ce monde qui me fait la leçon. Rapidement, je fais la traduction, d'accord? Bien sûr. Beraz, egingo du laburpen txiki bat, itzultzeko kontatzen zigutena Mazitik. Harrera zentro mota asko daude eta Mazikoak zerbait berezia badu estatuarekiko independentzia edo autonomia da eta honaek suposatzen duena beraiek erabakitzen dutela pertsonak onartu edo ez onartu ahal izatea da. Asilo eskatzaileek duten arazoetako bat frantses estatuko edozein lekutara bidaltzen ahal dituztela da. Honek ematen dituen laguntzak jaso ahal izateko. Eta berriro ere Masiko errefuxiatuentzako zentro honen berezitasunetako bat ZIMADek gestionatzen duen errefuxiatuentzako zentroak familia elkartzeko laguntza eskaintzen duela. Eskubide hau beste batzuekin batera errefuxiatuen kartan, Genovako kartan onartua dago. Honeko ekartzen duena da, estatuak kudeatzen dituen zentroetan ez bezala, errefuxiatuek epe zehatzik ez dutela bertan gelditzeko. Beraz, askok, 6 hilabete baino gehiago urte bat edo bi gelditzen dira bertan. CPH hauek inmigrazio ministeritzaren pean daude eta oso kritikoa agertzen zen EV honekiko, naiz eta estatuak subvenzionatzen dituen beraien zentroa ere. Errefuxiatu batek errekonozimendu hori lortzen duenean, Genovako akordioak babesturik eskubide batzuk lortzen ditu, baina praktikan beraien arazoak ez dira amaitzen. Adibidez, laguntza sozialak eskuratzea, zerbitzu medikoak izatea edo etxebizitza bat alokatzea ez da beti erraza. A regarder passer ce monde fier futile. Jende honen gizarteratzea bultzatzeko oso garrantzitsua da gizarteak berak jende honengana hurbiltzea. Horretarako Maziko zentro honetan errefuxiatuek hitzaldiak ematen dituzte beraien jatorrizko herrialdeen inguruko egoeraz kontzientziarazteko. Garrantzitsua da esatea ere errefuxiatu politikoaren estatutua ez dela soilik militante politikoek duten eskubide bat, baizik eta erlijioa, arraza edo beste arrazoi batzuengatik jasartuak diren pertsonek ere errefuxiatu politiko bezala ulertu behar direla. Beraz, hau izan da, oso gainetikan labur bilduz, Ebek kontatzen ziguna, Maziko CPH horretatik. Et il nous reste 5 minutes, tu avais une recommandation culturelle que nous étions en train d'écouter, je pense. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc je voulais vous parler, donc en 5 minutes, d'un album qui est sorti le 31 janvier dernier, donc qui s'appelle « Citoyenne du monde ». Donc le chanteur s'appelle Kado Hadadi, il est fils donc, d'immigrés algériens qui sont établis dans un quartier populaire de Roubaix. Donc, le groupe s'appelle HK et les Saltimbanks. Et donc, ils se définissent avant tout comme des citoyens du monde et des Saltimbanks sans frontières qui souhaitent contaminer le monde de leur révolte, de leurs rêves et de leur folie. Car, comme disait le grand Jacques Brel, le monde sommeille par manque d'imprudence. Donc, HK est un des membres du ministère des Affaires populaires. Un groupe de rap très, très connu donc dans le Nord, puisqu'ils sont originaires de Roubaix. Donc HK et ses Saltimbanks, c'est une musique donc faite pour chanter, danser, rire, mais aussi pour se lever, s'indigner, se révolter, pour faire, comme il dit, bouger les popotins, mais aussi faire bouger les lignes. Donc cet album est sorti le 31 janvier. C'est une musique très engagée, aussi bien donc, sur les questions d'immigration, que sur des questions beaucoup plus politiques de ce qui se passe dans notre gouvernement français actuellement. Donc je vous en recommande vivement l'écoute. Et avant d'écouter une dernière chanson de ce groupe, de cette recommandation d'aujourd'hui, une autre recommandation, ça serait le Festival de cinéma multiculturel qui a lieu tous les jeudis au Gasteche La Cachita et où la CIMAD participera aussi le 24 mars. Voilà, donc vous savez que tous les jeudis à partir de 19h30 à Irun au Gasteche La Cachita, il y aura des différents documentaires et films sur ce thème-là, la multiculturalité. There is two men, le premier men, il a un flingue, le deuxième men, il creuse, et toi aujourd'hui, tu creuses, eh oui, oui si moi j'ai le flingue, toi tu creuses, c'est comme ça, oh tu plains pas, tout va bien, t'as une pelle, ça va, oh creuse, oui ben c'est ça, j'ai ma pousse, oh c'est pas possible de creuser, clasher là-bas, si c'est possible, tu, vas-y, tu creuses, dépêche-toi. À ce qui paraît, la France va bien alors. Pourquoi je tire la tronche? D'ailleurs, tout le monde doit être heureux, vu qu'il n'y a plus personne qui bronche vrai. Et avec cette chanson de HK, on vous dit au revoir. Sarah, on te dit jusqu'à la semaine prochaine. Tout d'accord. À fait. Et à tous ceux qui nous écoutent, ben merci beaucoup. Mi esker, gurekin egon izanagatik, eta beste bat arte. Et passé dans le quartier, je lui ai dit que c'était la merde. Il m'a dit souris, vous êtes filmé. Faudrait faire comme si tout allait bien. Tout va bien. Ne rien dire, ne rien voir et surtout passer son chemin. Faudrait faire comme si tout allait bien. Et tout va bien. Passe le message à ton voisin. Faudrait faire comme si tout allait bien. Et tout va bien. Passe le message à ton voisin. S'il y a des clochards en France, c'est bien qu'ils l'ont choisi. S'ils préfèrent être SDF, c'est une question de mode de vie. Si les restos du cœur font le plein, c'est qu'il y a plein de profiteurs. S'il y a autant de chômeurs ici, c'est que les Français sont des glandeurs. Tout va très bien, madame la RMiste. Si vous êtes à ce point dans la merde, c'est que vous n'êtes qu'une fumiste. Tout va très bien, je vous le dis, le chômage est à la baisse. D'ailleurs, si on vous demande comment ça va, répondez ça à la baisse. Faudrait faire comme si tout allait bien. Mais tout va bien. 100 Bidasoaldeko herri mugimenduak 100 saio Antxeta irratian. Herriotsak 100. Martxoak 4, 8etatik 9ak arte. Herriotsak 100. Herriotsak Bidasoaldeko herri mugimenduaren saioak egunero Antxeta irratian arratsaldeko ordubietatik 3ak arte eta gabeko 8etatik 9ak arte. Pausu Mediak ekoiztutako saioak.